jusqu'à 18h30 sur Fadjet, Demain de Maître, animé par Olivia. Au niveau graphique et graphisme, ça me parle beaucoup. Et l'enluminure m'a aussi interpellée parce qu'on fabrique tout soi-même, en fait. Toutes les recettes, tous les matériaux et puis les peintures, on les fabrique soi-même. Donc ça, c'est assez intéressant. Bonjour à tous, bienvenue dans Demain de Maître, votre émission qui vous emmène dans les ateliers d'art en Lorraine et en Alsace. Aujourd'hui, poussons la porte de l'atelier d'Aline Falco, enlumineur, à Strasbourg. Bonjour Aline Falco, merci de me recevoir dans votre atelier à Strasbourg. Bonjour. Alors vous êtes enlumineur. En deux phrases, c'est quoi ? Alors, le métier d'enlumineur apparaît au début du Moyen-Âge et consistait à mettre en lumière les pages d'un livre par le biais d'illustrations, c'est ce qu'on appelle les enluminures. Après, l'enlumineur aujourd'hui, en fait, est plus un peintre avec un style assez codifié et puis des techniques vraiment médiévales. Quel est votre parcours ? Alors, j'ai fait beaucoup d'art plastique. Je suis allée aussi en fac d'histoire de l'art et d'archéologie à Strasbourg. Et puis, j'ai eu envie, en fait, de mêler un petit peu les deux. Et j'ai trouvé que l'enluminure était un bon moyen, en fait, de mélanger ces deux parties, l'histoire de l'art et puis une pratique artistique. Donc, je me suis dirigée vers l'enluminure. Après, j'ai pas trouvé forcément la formation qui m'est apportée, les techniques anciennes, qui m'est vraiment convaincue. Donc, du coup, moi, de mon côté, j'ai fait beaucoup de recherches personnelles dans des traités d'art, par exemple, du moine Théophile ou du théoricien de la couleur Cennino Cennini, pour avoir vraiment ces techniques anciennes. Voilà. Et alors, pourquoi cette passion pour l'enluminure et l'époque médiévale ? Alors, je ne suis pas vraiment une passionnée de l'époque médiévale. Ce n'est pas une époque où j'aurais aimé vivre. Par contre, je suis assez admirative de toute l'inventivité dans les décors des manuscrits, par exemple, ou sur les architectures. Donc, au niveau graphique et graphisme, ça me parle beaucoup. Et l'enluminure m'a aussi interpellée parce qu'on fabrique tout soi-même, en fait. Toutes les recettes, tous les matériaux et puis... les peintures, on les fabrique soi-même. Donc ça, c'est assez intéressant, oui. Y compris les encres, tout ça ? Voilà, les encres, les peintures, les assiettes à dorer, c'est-à-dire ce qui va accueillir la feuille d'or. Voilà, tout ça, ce sont des recettes qu'on met en œuvre soi-même. Alors justement, Aline, moi, je suis un petit peu curieuse. Vers quelle création vous iriez pour nous expliquer toutes ces techniques ? Alors, je peux vous montrer, par exemple, une création qui est assez particulière, qui s'appelle Aurum. Donc, en latin, voilà. En latin, ça veut dire or. Donc, on peut s'imaginer qu'il y ait beaucoup d'or, effectivement. Alors, donc, sur cette création, en fait, là, c'est une... c'est quelque chose de très personnel quand même, donc il y a beaucoup de choses qui se mélangent. Moi, j'aime bien mélanger un petit peu les styles, les époques et puis les pays aussi. Donc là, sur cette pièce-là, on a par exemple, à l'extérieur du cadre, on a un petit décor qui rappelle les meubles un peu Art Nouveau en fait. Vous avez des motifs thaïlandais ici sur un fond bordeaux avec des petits détails un peu damassés. Il y a des motifs grecs aussi sur toutes les parties ici noires. Donc tout ça, c'est travaillé en fait avec une plume à dessin sur cette partie très chiadée en fait. Vous avez des petits motifs médiévaux vraiment traditionnels qui sont réalisés au pinceau avec un or en relief. Donc ça, c'est une technique aussi assez particulière de l'enluminure. Voilà, on applique de la colle de poisson, du blanc de plomb, du blanc de meudon. Voilà, on mélange tout ça et on l'applique au pinceau en volume pour faire cette épaisseur sous l'or. Vous avez aussi tous ces petits motifs thaïlandais ici, et puis un visage travaillé avec des brisures de feuilles d'or, qui est aussi une technique traditionnelle. Normalement, c'est pour rehausser les plis de vêtements sur les enluminures médiévales. Et moi, là, je l'ai utilisé un petit peu différemment, donc en réalisant un portrait avec cette technique. Donc voilà, il y a plein de petites choses différentes, mais la technique est toujours très traditionnelle. Et le support est aussi très important, puisque c'est du parchemin, en fait. Donc là, c'est du parchemin de chèvre. D'accord. C'est vraiment la peau de bête, et c'est le support de prédilection pour l'enluminure. Aline, moi, je suis assez interpellée, puisque juste en face de moi, il y a différentes créations qui sont accrochées au mur, dont une qui m'intrigue assez. Est-ce que vous pouvez la décrire ? Oui, alors, donc, cette pièce, en fait, s'appelle « Sur une patte ». Donc, c'est un pan qui se tient sur une seule patte. Et donc, tout l'univers, en fait, de cette pièce, c'est rappelle un petit peu l'Inde. Alors, vous avez des motifs de tissu indien, donc de sari indien, sous forme de filigrane, c'est-à-dire ce sont des petits filets d'encre qui sont posés, qui sont dessinés. Donc le paon au milieu avec beaucoup de plumes de paon réalisées avec un mélange de nacre et de mica. Et puis donc, le mica, c'est quoi ? Alors la nacre et le mica, en fait, ce sont des éléments minéraux. Mica, ça donne un côté très très irisé. En fait, on en trouve en forêt sur les pierres qui sont un peu brillantes. D'accord. Voilà, c'est vraiment un minéral, en fait. Donc vous avez une autre frise extérieure, en fait, qui représente des plumes de paon qui sont dessinées avec des fils de poudre de bronze qui sont réalisés avec la poudre de bronze. Donc on a aussi des différences de lumière qui sont assez particulières. Et le cadre, j'ai aussi un peu retravaillé le cadre, puisque j'avais gravé dans le bois pour pouvoir y placer des bandes de parchemin que j'ai peintes également. Donc voilà, ça fait une pièce complète avec le cadre en plus. Voilà. Et vous pouvez retrouver une partie des créations donc sur la page Facebook de Main de Maître. Aline, vous avez déclaré dans la presse, l'enluminure est très méditatif. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus à ce sujet ? Oui, alors c'est vrai que l'enluminure impose un peu qu'on soit calme, qu'on soit posé, parce que sont des petits éléments très fins et qui dit finesse et minutie, dit aussi le calme du corps et aussi un peu de l'esprit. Donc voilà, on a ce côté méditatif dans ce sens-là. Moi, c'est ce que j'aime beaucoup justement, c'est quand je suis un peu plus nerveuse, je me calme un peu avec des motifs très fins et très réguliers. C'est un peu hypnotisant même. Et puis quand on est un peu plus d'énergie, on peut faire quelque chose un peu plus gestionnel, même si l'enluminure est vraiment une technique où tout est contrôlé. Il faut pas, faut contrôler chaque geste pour faire le trait précis au bon endroit. Et net. Il n'y a pas d'erreur possible. Alors, il faut éviter les erreurs, effectivement, parce que on peut difficilement reprendre sur une enluminure. On peut un peu gratter sur le parchemin, mais ça se voit toujours un petit peu. Donc, le mieux est de ne pas faire d'erreur. Mais bon, c'est pas parfait non plus. Le but, c'est pas que ce soit parfait. Ça n'existe pas de façon. Donc, ça met du rythme, au contraire. Et puis, j'imagine que c'est un entraînement de tous les jours. Vous, ça fait 10 ans, je crois, que vous pratiquez l'enluminure. Ça fait 15 ans, oui, ça fait 15 ans, oui. Oui, effectivement, il faut énormément de travail pour acquérir un trait fluide et précis, net, pour appréhender aussi la peinture, la matière, et puis savoir comment ça réagit avec le temps aussi. Donc ça, tout ça, c'est vraiment un travail de longue haleine, et puis beaucoup d'entraînement, un peu comme un musicien qui commence un instrument. Il faut des heures et des heures, des journées de travail. Et de pratique, oui. Alors justement, Aline, vous nous montrez comment est-ce que vous confectionnez une de vos créations. Donc là, Aline, on vient de se déplacer un petit peu et on arrive à votre atelier confection, si je puis dire. Oui. Quelle est la première étape du travail quand on est enlumineur ? Alors déjà, il va falloir nettoyer le parchemin. Donc on va passer une poudre de pierre ponce, qui est une poudre un peu abrasive, pour nettoyer la surface du parchemin. Donc là, par exemple, c'est du parchemin de chèvre. Il faut le nettoyer un petit peu pour que la peinture accroche bien. D'accord. Alors, je prends un petit peu de poudre de pierre ponce. Voilà, et puis on frotte avec une petite chute de parchemin. Donc vous étalez en gros la poudre sur le parchemin. Oui, c'est ça. Voilà, donc on épousse bien la poudre. Et maintenant, je vais passer un petit peu de vinaigre blanc et d'eau déminéralisée dessus pour enlever les résidus de poudre. Mmh. Voilà, donc on laisse sécher un petit peu et puis on va pouvoir placer le dessin sur le parchemin, en fait. Alors, on va attendre que ça sèche. Oui, c'est ça. Donc là, c'est sec. Voilà, donc là le parchemin est sec, on va appliquer le dessin que j'ai réalisé d'abord sur un calque parce que c'est un peu difficile de dessiner directement sur le parchemin. Donc je l'ai dessiné sur un calque et puis maintenant je vais le reporter sur le parchemin en grattant avec un plioir. C'est une sorte, ça ressemble un peu à un coupe-papier. D'accord. Et ça va permettre de déposer le carbone du crayon sur le parchemin. On cible un petit peu. Mmh. Et puis, voilà, on va frotter. Effectivement, le dessin a été reproduit sur le parchemin. C'est ça, le carbone et c'est vraiment accroché au support. Donc là, je vais réaliser une petite lettrine avec de la feuille d'or. Et puis, voilà, la prochaine étape, c'est de repasser les traits au crayon, de les repasser avec de l'encre de noix de galle, avec une plume à dessin. Donc là, vous faites quoi, Aline ? Alors là, je prends un petit peu d'encre et puis je vais repasser en fait mon dessin avec la plume. Alors, il faut recharger régulièrement la plume. Je confirme qu'il ne faut absolument pas trembler. Oui, c'est quand même indispensable pour avoir vraiment le trait bien fin et précis. Donc c'est toujours un travail qui demande un petit peu de temps parce que le dessin est quand même très important. Mm-hmm. Si on déforme le dessin, après bah, tout sera déformé par la suite. Donc il faut être très rigoureux sur le dessin. Et très précis. Oui, très précis, oui. Donc là, Aline, on arrive bientôt à la fin. Vous avez terminé ce travail-là. Quelle est la prochaine étape ? Alors, une fois qu'on a repassé tout le dessin avec la plume, il faut ensuite gommer le trait de crayon. Et la prochaine étape sera la pose de la feuille d'or. Donc, on pose toujours la feuille d'or en premier, afin que la feuille d'or ne s'accroche pas sur les couleurs par la suite. Donc là, je vais passer la gomme pour enlever le crayon. Voilà. Et maintenant, je vais appliquer donc une gomme ammoniaque, c'est une résine d'arbre, sur toute la surface à dorer. Mmh. On va appliquer ça au pinceau. Donc là, Aline, vous déposez la gomme ammoniaque qui semble un peu du bubble gum, hein, la nouvelle couleur, on dirait un chewing-gum un peu rose. Bon, en fait, j'ai mis un petit peu d'encre rouge dedans parce que sinon on ne voit pas trop où on passe. Normalement, c'est transparent comme du lait en fait. Hein. Mm-hmm. C'est un peu la texture du lait. Donc là, effectivement, je passe. Alors, c'est très silencieux comme étape. Oui. On a juste le pinceau qui écrase un petit peu la matière et puis voilà, c'est assez silencieux. Qui vient se faufiler entre les traces de dessin que vous venez de faire. C'est ça. Il faut une certaine habileté, hein. je le note. Vous allez quand même assez vite, sans déborder. Oui, bah, il fait très chaud en plus aujourd'hui, donc il faut travailler un peu plus vite. Parce que sinon, ça va faire des traces sous la feuille d'or. En fait, la feuille d'or, c'est vraiment de la poussière, hein, donc... C'est la poussière d'or, donc tout se voit en dessous. Si vous faites des traces, ça va se voir sous la feuille d'or. Voilà, on attend un petit peu que ça sèche et puis on va pouvoir poser la feuille d'or. Alors là, je vais poser la feuille d'or. Donc c'est de l'or 23 carats. C'est très très fin, il faut éviter de mettre les doigts dessus. Alors cet or, il est collé sur un petit papier de soie afin de pouvoir le manipuler assez facilement. Alors pour les doreurs, ornemanistes, ils utilisent plutôt l'or libre parce qu'il y a beaucoup de moulures et donc la feuille d'or doit bien rentrer dans les moulures. Mais là, comme c'est à plat, on peut utiliser de l'or, hein, ce qu'on appelle de l'or adhésif en fait. Hein. Donc là, j'applique la feuille d'or sur la colle, donc sur la résine. Et en fait, la feuille d'or, elle va adhérer juste sur les endroits où j'ai déposé la colle. Mm-hmm. Donc, il faut essayer de ne pas dépasser, bien sûr. Mm-hmm. Là, je vais prendre un pinceau et je vais enlever tout le surplus d'or, en fait. Voilà, on enlève tout ce qui dépasse, en fait, de la partie où j'ai posé la colle au pinceau. Et là, on obtient donc une partie toute dorée. Mmh, c'est impressionnant. Voilà, ça. Il y a tout qui se révèle, en fait. Exactement. Donc maintenant, je vais appliquer... on passe à la couleur et je vais appliquer donc les pigments naturels au pinceau. Alors, c'est une peinture à l'eau. Ce sont des pigments que j'ai fabriqués moi-même, donc à base de gomme arabique... vous avez du miel et du fiel de bœuf aussi dedans. Tout mmh. ça va servir de liant en fait au pigment. Et ça va faire en sorte que le pigment il soit bien aggloméré, que ça fasse une peinture. Donc, c'est une peinture à l'eau. Là, je récupère la matière dans mon petit godet que j'ai préparé. La couleur est bleu nuit ? Oui, c'est un bleu outre-mer en fait. Donc, à la base, alors normalement, c'est fait de lapis lazuli, qui est une pierre semi-précieuse. Là, c'est une imitation parce que le lapis lazuli est très, très cher. Là, on est en ce moment à environ 200 euros le milligramme. Donc, d'accord. Voilà, c'est vraiment très cher. Je l'utilise seulement quand il y a une commande bien spécifique, en fait. Donc là, je prépare mon mélange. Je mélange un petit peu de ce bleu outre-mer avec du blanc de titane. Et donc, je vais remplir le fond de ma petite lettre avec ce bleu. Quelle minutie! Il ne faut vraiment pas déborder. Hein. C'est très impressionnant. Oui, il faut un peu retenir son souffle. On travaille pas mal sur la respiration, en fait. Là, j'utilise un gros pinceau pour faire un aplat sans trace. C'est d'autant plus difficile, du coup, de ne pas déborder. Oui, c'est ça. Mais effectivement, on a moins de chances de faire de traces. Et puis, de toute façon, une fois qu'on a l'habitude, le pinceau importe peu. C'est une question de pression sur le pinceau. Plus vous allez appuyer, plus vous allez faire des traits épais. Donc, une fois qu'on a l'habitude de l'outil, on peut utiliser un pinceau très gros pour faire des choses très, très fines. Voilà, alors après l'étape du fond, il va falloir peindre chaque couleur différente, les petits rinceaux. Donc les rinceaux, en fait, ce sont des petits entrelacements de feuilles. Et il y a des petites palmettes aussi qui vont former le décor de la lettrine. Ça, c'est un petit peu technique, mais c'est voilà, le vocabulaire en enluminure. Mm-hmm. Donc il va falloir mettre un aplat uniforme de couleurs. Et puis après, je travaillerai tout en finesse des petits traits pour apporter de l'ombre à chaque élément. Et puis des petites nervures sur les palmettes. Et ensuite, tout sera contourné de noir pour faire ressortir vraiment les formes et lisser les bords. Et pour terminer, on achève ça avec ce qu'on appelle un rayon de blanc. C'est un trait blanc... fait avec du blanc de titane, en fait, un blanc très très intense, afin de relever un petit peu tout ça et d'illuminer un peu toute la lettrine. Voilà, ça, c'est vraiment les étapes pour une petite lettrine romane traditionnelle de l'enluminure. Aline, vous avez à cœur de transmettre votre métier puisque vous enseignez votre art à l'Université populaire de Strasbourg ainsi que dans votre atelier avec des cours, des stages d'été. Oui, tout à fait. Donc à l'Université populaire, en fait, les gens sont inscrits sur l'année scolaire. Ils sont inscrits pour 2 heures par semaine. Mmh. Et pendant l'été, j'organise donc des stages d'enluminure. Donc soit à mon atelier, soit dans des salles, où là, c'est sur une journée à 3 jours. Et donc, on approfondit vraiment les techniques de l'enluminure. On réalise l'enluminure sur parchemin, avec de la pose de la feuille d'or, le travail des pigments naturels. Mm-hmm. Et donc, les élèves sont vraiment immergés dans l'univers. Donc ça, c'est vraiment quelque chose qui me tient à cœur, parce que ce partage est assez important aussi pour parler un peu de la technique aussi, que les gens se rendent compte du travail qu'il y a derrière. C'est quand même beaucoup de travail, beaucoup d'exigences. Donc, on se rend compte vraiment quand on le pratique. Donc, voilà, c'est toujours très sympathique de rencontrer des nouvelles personnes qui s'y mettent et voilà, voir leur enthousiasme. Et c'est ouvert à n'importe qui, même sans formation préalable? Alors oui, les stages en luminure, moi je m'adapte un peu en fonction du niveau, et puis même si les personnes n'ont jamais dessiné ou peint, je vais m'adapter, je vais choisir aussi un sujet en fonction de ça. Après c'est toujours bien de savoir un peu dessiner, mais on fait avec. Aline, quelle est votre création préférée ? Alors j'ai une création que j'aime beaucoup qui s'appelle Lanterne magique. Oui. Vous pouvez nous la décrire? Oui, alors c'est en fait un hommage à Méliès. Méliès, donc qui est un cinéaste, un des premiers cinéastes qui a fait beaucoup d'effets spéciaux en fait, donc début 1900 en fait. D'accord. Et voilà, donc il y a beaucoup de choses. C'est une période aussi que j'aime beaucoup, l'art nouveau. Donc on le retrouve en fait dans les motifs que j'ai réalisés sur cette enluminure. Donc il y a une succession de frises en fait. Vous avez 4, 5, 6 frises en fait, mm-hmm. Qui se succèdent avec un motif un peu art nouveau dans la dentelle, donc inspiré d'une dentelle plutôt. Après il y a un personnage central qui fait très actrice des années 1900-1910. Ouais, c'est vrai. Avec une d'ailleurs qui est habillée d'une création d'une amie, Claire Barbereau, qui est créatrice textile. Donc je l'ai habillée de sa création à elle. Vous avez des petites chauves-souris travaillées avec cette fameuse technique d'or en relief, en fait. Donc on a aussi, quand on touche, on a aussi la sensation un petit peu de la matière, du côté très lisse, en fait. Et puis il y a une succession de petits motifs, des petits champignons, des étoiles, tout l'univers qui peuple les films de Méliès. En fait, j'essaye de voyager dès que je peux. Là, au mois de février, j'étais en Thaïlande. Ça m'a beaucoup inspirée pour des pièces très diverses. Et c'est vrai que après, ce que j'aime faire, c'est trouver l'harmonie aussi entre les motifs, d'avoir plusieurs époques et puis plusieurs civilisations dans une seule pièce. C'est assez intéressant de voir comment les civilisations sont proches en fait au niveau graphisme et influence. Donc ça, c'est ce que j'aime faire dans mes créations. Et je me suis aussi laissé dire que vous vous inspirez toujours des techniques ancestrales du Moyen-Âge pour aller justement vers d'autres choses. Là, on est dans votre atelier, alors je profite un petit peu, Aline. Il y a tellement de créations différentes. Est-ce qu'on peut s'approcher vers une création que moi qui m'intrigue personnellement? Oui. J'en profite. Est-ce que vous pouvez nous la décrire déjà, cette création? Oui, alors c'est une carte marine imaginaire. Donc c'est un format qui est quand même assez particulier, parce que donc là on est sur un format en longueur, fait à peu près 1,50 m de haut. On dirait un immense marque-page. Oui, c'est vrai. Alors elle est inspirée vraiment ce qu'on appelle des portulans portugais, c'est-à-dire c'était des cartes réalisées sur parchemin, sur un parchemin entier en fait, sur une peau de bête entière. Donc là j'ai gainé en fait un morceau de bois, de chêne, que j'ai peint avec de la feuille d'or, non, mais j'ai j'ai appliqué de la feuille d'or sur le bois avec des roses des vents et puis des monstres marins. Et donc la carte imaginaire, en fait, elle m'a été inspirée d'un voyage en Tasmanie. Justement, on parlait des voyages tout à l'heure. Donc ça, c'est une des inspirations. La Tasmanie a été vraiment... c'est un peu le bout du monde. Donc voilà, le voyage, il y a des petits bateaux, des roses, roses des vents, des petits monstres marins. Et puis des noms latins qui évoquent un peu le pays, voilà. Et puis on a une sorte de proue de navire tout en haut, donc un personnage féminin, voilà, qui évoque un peu l'embarquement et puis le voyage. Tout à fait, avec des couleurs, je dirais, allant vers l'or, l'ocre un petit peu. Oui, c'est ça. Là, je suis restée... D'habitude, je travaille beaucoup les couleurs très vives. Là, je suis restée comme dans quelque chose d'assez assez sobre. Donc, on est dans des terres de sienne, voilà, de l'or, beaucoup d'or, effectivement, et puis des terres de sienne. Très intéressant, en tout cas. Aline, on va revenir un petit peu du côté, je dirais, où vous travaillez, j'imagine. Là, est-ce qu'on peut décrire aussi pour les auditeurs votre lieu, votre atelier, comment il est ? Alors oui, il y a tout qui se mélange. Il y a beaucoup de créations d'il y a 15 ans, des créations que j'ai réalisées cette année. Donc il y a un peu tous les styles. Après, on est un petit peu dans un semi-laboratoire de chimiste parce qu'il y a plein de produits, des petits pots en verre. Plein de flacons. Voilà, plein de flacons, des pigments de toutes les couleurs. Des flacons avec des encres, des flacons avec de la gomme arabique, de la sève d'arbre. Voilà, on a un petit peu... Et puis tous les pinceaux aussi que j'utilise. Oui, c'est un peu un mélange de plein de choses. Quand on est en lumineur, qui sont vos clients ? Alors, beaucoup les particuliers. Donc, c'est vrai que je fais beaucoup de créations. Donc, je vends sur des salons, des expositions, par exemple. Donc, c'est toujours des pièces uniques. Après, c'est aussi des gens qui me passent des commandes. Par exemple, là, il y a quelques mois, j'ai réalisé un ouvrage sur un livre sur les jeux d'échecs pour un particulier. Donc, c'est un livre qui sera rien que pour lui, calligraphié entièrement et puis illustré dans l'enluminure. Voilà, ce sera un exemplaire unique. Donc ça, c'est des commandes qui sont assez intéressantes aussi. Et puis, ça peut être pour des collectivités, pour des chartes de jumelage ou des cadeaux, voilà, c'est assez varié. Après, effectivement, moi, ça fait 15 ans maintenant que je suis installée, donc ça a eu le temps de... Le bouche-à-oreille a eu le temps de se mettre en place, mais il faut un petit peu de temps pour se faire connaître et puis pour que la clientèle vienne à vous assez naturellement. Il y a toujours du travail, il faut toujours se remettre un petit peu en question. Et est-ce que c'est facile d'en vivre en 2017 quand on est enlumineur, honnêtement ? Alors, c'est vrai que l'enluminure, c'est une niche, en fait, hein, au niveau des métiers. Vous êtes très peu en France. On est très peu, oui. Alors, j'avais vu un chiffre dans les 60 enlumineurs. Je ne pense pas qu'il y ait 60 enlumineurs qui vivent vraiment de leur métier. Mon avis, vu ce que je vois autour de moi, je pense qu'on doit être peut-être une quinzaine ou une vingtaine dans toute la France à vraiment pouvoir en vivre. C'est effectivement difficile parce que ce sont des pièces en général sous forme de tableaux. Donc ce ne sont pas des objets utilitaires comme de la céramique ou des bols ou des objets de mode comme des bijoux. Donc le public est quand même assez restreint. En plus, c'est quand même une technique et puis un style qui est particulier. Donc voilà, ce qui fait qu'il y a des passionnés, mais il faut les trouver aussi. Et donc, il faut choisir les bons endroits. Ça fait partie aussi du métier, quoi, de savoir faire les bons choix. Aline, quels sont vos projets à venir ? Alors les projets, je vais essayer de voyager le maximum pour pouvoir réaliser encore de nouvelles pièces. Les collaborations avec des amis artisans. Après, j'ai aussi le Salon Résonance, par exemple, qui est au mois de novembre, en fait, qui est un salon des métiers d'art. À Strasbourg. Voilà, à Strasbourg, au Wacken de Strasbourg. Donc ça, je vais y participer également. Et puis en ce moment, j'ai des pièces dans le concept store Empreinte à Paris et également à la Maison des métiers d'art de Pézenas, donc dans le sud de la France, un peu plus loin. Mais voilà. Pour ceux qui habitent dans le sud. Voilà, pour ceux qui habitent dans le sud, c'est ça. Pourquoi pas. Oui. Vous pouvez également me retrouver dans mon atelier à Strasbourg. Voilà, j'accueille les gens sur rendez-vous. Vous êtes où précisément ? Alors, je suis rue des Ormes, donc au 21 rue des Ormes à Strasbourg. C'est dans l'ancien quartier de Cronenbourg, pas loin de l'église Saint-Florent. Selon vous, quelles qualités faut-il pour être enlumineur ? Alors, pour être en lumineur, avant tout, je dirais qu'il faut être assez modeste quand on commence, surtout, parce que c'est une technique qui est très, très rigoureuse et assez exigeante. Donc, voilà, il faut pas brûler les étapes, il faut prendre son temps, il faut être patient. Être bon en dessin pour en faire son métier, ça c'est vraiment indispensable parce que pour créer, sinon on va vite être bloqué si on n'a pas un bon bagage au niveau dessin derrière soi. Et puis avoir une bonne vue parce que c'est vraiment très minutieux. Donc je vois avec mes élèves qui ont du mal à bien voir qu'ils ont vite atteint leurs limites. Donc il faut effectivement avoir une bonne vue, ça c'est une bonne prédisposition. Et puis après, il y a des choses communes à tous les artisans d'art, c'est-à-dire d'être à 100% dans ce qu'on fait, voilà, d'être, de se remettre en question, de savoir se vendre aussi, ça fait partie du métier. On n'aime pas toujours ça, mais malheureusement, il faut. Voilà, bon, ça c'est vraiment les choses indispensables, je pense. Ouais. Et puis moi, j'ai noté aussi être curieux, puisque vous êtes curieuse, vous voyagez, vous vous inspirez de voyages pour produire, réaliser vos créations, n'est-ce pas ? Oui. Alors ça, c'est vrai que c'est quelque chose qui me tient à cœur. Maintenant, je sais que beaucoup d'enlumineurs sont très passionnés par le Moyen-Âge, ce qui n'est pas mon cas. Mais effectivement, quand on est enlumineur, enlumineur traditionnel, on est dans cet univers-là, on baigne dans cet univers-là. Donc, en règle générale, les enlumineurs restent un petit peu dans ce monde-là. Moi, personnellement, c'est vrai que je suis assez ouverte à d'autres choses, donc ça fait des mélanges assez atypiques, on va dire. Le mot de la fin, Aline. Eh bien, écoutez, j'étais ravie de vous accueillir dans l'atelier, et puis j'accueille aussi toutes les personnes qui le désirent. Donc, dans mon atelier à Strasbourg, n'hésitez pas à me contacter. Sur rendez-vous, les gens peuvent venir visiter votre atelier. Oui, voilà, c'est pas une boutique qui est ouverte avec des horaires fixes, mais effectivement, il suffit de passer un petit coup de fil ou d'envoyer un email et puis je vous accueillerai avec plaisir. Merci beaucoup Aline Falco de m'avoir reçue dans votre atelier à Strasbourg. Merci à vous. Retrouvez toutes les créations d'Aline Falco sur la page Facebook Demain de Maître. En août, Fadjet rediffuse des portraits d'artisans d'art chaque mercredi à 19h et chaque vendredi à 17h30. Je vous souhaite un bel été à tous et rendez-vous fin septembre.